Bonjour à tous, chers amis francophones, et bienvenue pour une nouvelle leçon de niveau. Vas-y, dis-le, JP. Upper Intermediate. Merci. Salut! De rien. Moi, c'est Amaury. Et moi, je suis JP. Donc, nous avons eu précédemment une leçon concernant les téléphones portables. OK. Qui reprenait un peu toutes les fonctions que pouvaient avoir ces téléphones. Oui. Et cette leçon-ci est la suite. Ouais, c'est bien ça. Donc, la fois passée, on avait une personne qui demandait tous les renseignements à un vendeur concernant les possibilités d'un téléphone. Oui. Et cette fois-ci, on aura encore une personne qui rencontre un vendeur, mais qui recevra plus d'explications concernant le contrat, les abonnements qui sont disponibles. Ok. Le forfait. Exactement, voilà. Et en fait, ça, c'est le mot-clé. Forfait. Oui. This is the package, right? The package deal that comes with your cell phone. Oui. Et généralement, cela inclut aussi un contrat dedans. Mm-hmm. Donc voilà, maintenant, je crois qu'on peut rejoindre nos personnages. On écoute le dialogue? Oui. C'est parti. Allô? Je t'entends pas. Et répète. Oh, ça a coupé. J'en ai marre, c'est toujours la même chose avec ce foutu portable. J'ai jamais de réseau. Bon, c'est décidé, je rentre dans la première boutique sur laquelle je tombe, quel que soit l'opérateur. Et j'en achète un nouveau. Ah tiens, ça tombe bien, il y en a une juste au coin de la rue. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur, je voudrais un téléphone portable s'il vous plaît. Avec ou sans abonnement? Vous pouvez me proposer une offre spéciale avec abonnement? Bien sûr, il y a une promotion pendant toute la période des soldes. Si vous prenez un forfait mensuel de 3 heures, vous disposez d'un nombre illimité de SMS. Et quel est le montant du forfait 3 heures? 25 euros par mois. Ce forfait comprend tous les appels que vous passez vers les différents opérateurs français, mais pas les appels à l'étranger. D'accord. Et vous bénéficiez du report de minutes, c'est-à-dire que les minutes non utilisées sont reportées au mois suivant. Mm-hmm. Laissez-moi réfléchir vite fait. Pour l'instant, j'ai un forfait de 2 heures, je suis toujours hors forfait. Et vous m'offrez l'avantage des textos gratuits et le report des minutes. Ouais, c'est bien, j'ai l'impression que ce n'est pas une arnaque. Très bien, voici votre carte SIM et votre chargeur. J'aurai juste besoin de votre carte d'identité et de vos coordonnées bancaires. Et nous revoici. On dirait que c'était une offre honnête, que ce n'était pas une arnaque. Oui, c'était pas une arnaque. Donc à la fin du dialogue, la fille est plutôt apaisée, alors que ce n'est pas le cas au début. On voit qu'elle est assez irritée, elle est pas contente. Oui, parce que quand elle parlait avec son portable, ça coupait. Exactement, ouais. Et elle en a marre. Oui. Elle le dit d'ailleurs. Elle dit « j'en ai marre ». Ouais, ce qui est vraiment la phrase familière, c'est pas grossier, c'est ça qui est bien. Pas du tout. Et quand on n'est pas content, on dit « j'en ai marre ». J'en ai marre, I'm sick of it, I've had it up to here. Ouais. Et donc, elle en a marre de quoi? De son foutu portable. Ouh, c'est que le portable ne fonctionne pas. Ouais. C'est foutu. Et donc, on met cet adjectif pour dire qu'il ne sert à rien. Ah oui. Il est inutile. Mm-hmm. Et elle dit « je n'ai jamais de réseau ». Donc, le réseau, c'est ce qui permet qu'on capte les appels. Oui, en anglais, on peut dire « reception » ou « signal ». Ok, donc on appelle ça le réseau. Et donc, elle prend une décision directement. Mm-hmm. Elle est vraiment décidée, elle est remontée. Et donc, elle décide de rentrer dans la première boutique sur laquelle elle tombe. All right. Sur laquelle je tombe, the first one I find. That's what she's trying to say. On which I fall, je tombe. Par exemple, je pourrais te dire, JP, hier, je suis tombé sur Léo en sortant du cinéma. Ah oui. Donc, je l'ai vu simplement. Mm-hmm. Quel que soit l'opérateur, whatever the operator might be, whichever service company. Voilà. Mm-hmm. Elle est tellement remontée que ça n'a pas d'importance. Elle prendra le premier qui vient. Mm-hmm. Et l'opérateur qui possède cette boutique, parce qu'en France, on a parfois des boutiques au nom des opérateurs. OK, l'opérateur, ça, c'est le company, the mobile phone company. Exactement. The service provider. Exactement, oui. Okay. Et là, elle en achètera un nouveau. Elle achètera un nouveau portable. OK. So here we have the pronoun en, right? J'en achète un nouveau. So I will buy a new one of them, right? That en means of them. Oui, tout à fait. Et elle a de la chance. Mm-hmm. Puisqu'il y en a une juste au coin de la rue. Ah, il y en a une. There's one of them. Il y en a right at the corner. Oui, donc évidemment, là, on peut dire, ça tombe bien. OK, it was lucky. Wow, that was lucky. Oui, donc évidemment, le vendeur est content de l'accueillir. Et comme on l'a dit dans l'introduction, il ne parle pas vraiment des possibilités du portable, mais plutôt du forfait. OK, et ça, c'était notre mot-clé. Oui. Forfait, it's the package or the contract. Oui. Il lui dit, si vous prenez un forfait mensuel de 3 heures, vous disposez d'un nombre illimité de SMS. Alors, SMS, c'est quoi ça? Les messages. Ah. Les messages qu'on peut envoyer, qui peuvent s'appeler SMS, un message ou un texto. Ou un texto. Ouais, okay. On a trois mots en français pour dire ça. Mm-hmm. Donc, c'est toujours agréable d'avoir quelque chose de gratuit. Oui. Avec trois heures de communication. Oui, oui, tout à fait. Donc, il voudrait savoir maintenant combien ça coûte, quel est le montant. Le montant, le prix. Oui. OK. Donc, ça a l'air raisonnable puisque ça fait 25 euros par mois. Mm-hmm. Et en plus, si elle prend ce forfait, mm-hmm. cet abonnement, elle va bénéficier du report des minutes. OK, report des minutes. En anglais, on dit rolling minutes. The minutes roll over into the next month. Donc, c'est bien les minutes qui n'ont pas été utilisées. Oui. Et qui vont pouvoir être utilisées le mois suivant. Mm-hmm. J'ai eu ça une fois, mais malheureusement, je n'avais jamais de report de minutes parce que c'était tout utilisé. Parce que tu parles trop. Ben ouais. Voilà, donc j'étais en fait un peu comme cette fille qui disait qu'avec son forfait 2 heures, mm-hmm. ça n'était pas assez. Elle était toujours hors forfait. Ok. Hors forfait means outside of the package, so she's paying extra. Exactement, mm-hmm. oui. Et donc elle réfléchit à cette offre, et donc elle est assez contente puisque elle trouve que ce n'est pas une arnaque. C'est une bonne affaire. C'est exactement l'opposé d'une arnaque, comme tu dis, mm-hmm. c'est une bonne affaire. Okay. Donc elle est d'accord. Mm-hmm. Et là, le vendeur doit juste lui donner ce qui est inclus avec son téléphone. Mm-hmm. Donc, avec le téléphone, il y a une carte SIM. OK, SIM card. Exactement, ouais. Et puis le chargeur. Et le chargeur. Mm-hmm. Et alors, donc, en France, comme il le dit à la fin, on a besoin de la carte d'identité. OK. Parce que le vendeur va en faire une copie. Mm-hmm. Donc, en France, ça marche toujours avec la carte d'identité. On ne demande pas le passeport, c'est la carte d'identité. OK. Et les coordonnées bancaires. Mm-hmm. Parce que comme c'est un forfait mensuel, généralement, c'est débité sur le compte en banque tous les mois. Mm-hmm. Donc, si jamais vous prenez un abonnement en France, vous aurez besoin de coordonnées bancaires. Mm-hmm. Donc voilà, je crois qu'elle a tout, elle est parée, elle doit être heureuse. Elle a un nouveau portable avec un nouvel abonnement. Et nous, on va écouter une nouvelle fois le dialogue. Allô ? Je t'entends pas. Et répète. Oh, ça a coupé. J'en ai marre, c'est toujours la même chose avec ce foutu portable. J'ai jamais de réseau. Bon, c'est décidé, je rentre dans la première boutique sur laquelle je tombe, quel que soit l'opérateur. Et j'en achète un nouveau. Ah tiens, ça tombe bien, il y en a une juste au coin de la rue. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur, je voudrais un téléphone portable s'il vous plaît. Avec ou sans abonnement ? Vous pouvez me proposer une offre spéciale avec abonnement ? Bien sûr, il y a une promotion pendant toute la période des soldes. Si vous prenez un forfait mensuel de 3 heures, vous disposez d'un nombre illimité de SMS. Et quel est le montant du forfait 3 heures ? 25 euros par mois. Ce forfait comprend tous les appels que vous passez vers les différents opérateurs français, mais pas les appels à l'étranger. D'accord. Et vous bénéficiez du report de minutes, c'est-à-dire que les minutes non utilisées sont reportées au mois suivant. Mm-hmm. Laissez-moi réfléchir vite fait. Pour l'instant, j'ai un forfait de 2 heures, je suis toujours hors forfait. Et vous m'offrez l'avantage des textos gratuits et le report des minutes. Ouais, c'est bien, j'ai l'impression que ce n'est pas une arnaque. Très bien, voici votre carte SIM et votre chargeur. J'aurai juste besoin de votre carte d'identité et de vos coordonnées bancaires. Alors, Amaury, quels sont les opérateurs français de téléphone portable ? Alors, il y a trois grands opérateurs, JP. OK. Il y a SFR. SFR. Voilà, trois lettres. Ensuite, Bouygues. Bouygues ? Oui. OK. Et le troisième s'appelle Orange. Orange. Et lequel tu préfères ? Moi, je suis avec Orange. OK. Parce que parfois, on peut gagner des places de cinéma avec eux. Ah, OK. Donc, voilà, c'est vraiment l'unique raison. Sinon, c'est plus ou moins la même chose entre chaque opérateur. Mm-hmm. Ils ont chacun des forfaits. Ils sont tous différents, mais après, on s'y retrouve. Ils proposent toujours des offres. 2 heures avec des SMS gratuits. Mm-hmm. Ou bien, c'est 4 heures. Il y a vraiment une multitude d'offres et d'abonnements. Ouais. Donc, et tu étais avec ou sans abonnement ? Les deux. Les deux, okay. Donc voilà, donc j'ai eu un abonnement. Mm-hmm. Mais avant ça, pour mon premier téléphone portable, okay. j'étais sans abonnement. All right. Donc, en France, il existe aussi l'équivalent de ce qu'on appelle pay-as-you-go. Pay-as-you-go, right. Ouais. Ça n'a pas vraiment de nom en France. On demande simplement une recharge. On dit sans abonnement. Mm-hmm. Et donc, c'est le même système. On achète des recharges de 5, 10, 20, 30 euros. Mm-hmm. Et puis voilà, on utilise dans les limites de la recharge. Ok. Et généralement, c'est souvent les jeunes qui ont ça, ou les gens qui veulent pas dépenser trop. Mm-hmm. Parce que c'est vrai, parfois, quand t'as un abonnement, eh bien, tu dépenses, tu dépasses ton forfait. Oui. Et après, tu continues. Oui, hors forfait. Voilà, tu te retrouves hors forfait. Ça coûte beaucoup plus cher. Et tu te retrouves avec des notes à la fin du mois. C'est oui. assez extraordinaire. Oui, oui, oui. Et ce qui est bien sans abonnement, c'est que tu sais ce que tu dépenses. Parce qu'une fois que tu as terminé ta recharge, bah, si tu n'en achètes pas une nouvelle, mm-hmm. voilà, tu ne peux plus passer d'appel. Par contre, ce qui est bien, c'est que normalement, tu peux toujours recevoir des appels. Right. Même si tu n'as plus d'argent sur ton téléphone. Okay. Ouais. Donc ça, c'est pas une arnaque. Moi, je trouve parfois que les non, mais c'est vrai, parfois les opérateurs téléphoniques essayent de nous arnaquer. Mais là, au moins, tu peux toujours recevoir des coups de fil, c'est bien. Ok. Voilà, donc j'espère qu'avec ces deux leçons, on a couvert un peu le monde de la téléphonie et plus précisément des téléphones portables. Toutefois, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur la page de discussion. On sera très content d'y répondre. Ou si vous avez la moindre interrogation, le moindre sujet de discussion dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas. Sur ce, merci à tous. Merci HDP. Merci Amaury. À très bientôt. À bientôt. Salut.